Et aimez-vous bien ce monsieur videur ? Si je l'aime, dit-elle. Je crois bien, madame. Il me raconte de belles histoires tous les soirs, et il m'a donné de belles robes, du linge, un châle. Mais c'est que je suis nippée comme une princesse, et je ne porte plus de sabots. Enfin, depuis 2 mois, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir faim. Je ne mange plus de pommes de terre. Il m'apporte des bonbons, des pralines. Oh, que c'est bon, le chocolat praliné. Je fais tout ce qu'il veut pour un sac de chocolat. Et puis, mon gros père videur est bien bon. Il me soigne si bien, si gentiment, que ça me fait voir comment ça aurait dû être ma mère. Il va prendre une vieille bonne pour me soigner, car il ne veut pas que je me salisse les mains à faire la cuisine. Depuis 1 mois, il commence à gagner pas mal d'argent. Il m'apporte 3 francs tous les soirs, que je mets dans une tirelire. Seulement, il ne veut pas que je sorte, excepté pour venir ici. C'est ça un amour d'homme. Aussi fait-il de moi ce qu'il veut. Il m'appelle sa petite chatte. Et ma mère ne m'appelait que sa petite bée, ou bien FP, voleuse, vermine, est-ce que je sais ?